Et pour le battage, comment c'était l'organisation du... Là, il y a celle de Bureville où venait, celle de Boudin venait, et après il y avait les barriques de Plété à venir aussi. Donc il y avait plus de monde. Ouais, c'est ça. Parce que là, il fallait les voisins. Oui, les voisins, et puis nos autres, après, ils venaient avec nous. Et la batteuse appartenait à qui? À nous? Boudin, À Boudin. nous? Allez. Ah oui, chez nous? Ah oui, nous Ah sommes oui. une batteuse. Ah oui. Ah oui, par contre, pour faire marcher, il fallait plus de monde, quoi. Oui. Il y a plus de monde parce qu'il fallait. Ouais. Ça, c'était les grandes journées. Les grandes journées, les enfants, les frioulous, comme elle est, tous le bois, et puis vas-y. J'étais sans en bas, puis il y avait une autre pour mettre dessus, la batteuse, une autre pour couper la ficelle. Ouais. Bah, le